1791 vit la naissance du camembert. Deux siècles passèrent, puis vint cette chanson, dont l'auteur dira plus tard, c'est vrai, je l'ai écrite sous la menace. Le lundi, le mardi, le mercredi, camembert, le jeudi, le vendredi, le samedi, c'est le dimanche, camembert, le lundi, camembert, en entrée, en déchère. Monsieur Giscard, c'est agaçant, vous n'allez pas chanter tout le temps. Du camembert, nous aussi, nous en mangeons, Dieu merci. Depuis déjà 200 ans, il est sur toutes les tables, des sangrades et des notables. Messieurs, messieurs, il faut tomber les masques. Le camembert n'est pas normand, hein, puisque le camembert est basque. Ah là là, père et masque, c'est magnifique. Le lundi, le mardi, le mercredi, camembert, le jeudi, le vendredi, le samedi, c'est le dimanche, camembert. Monsieur Giscard, et si vous nous jouiez un peu d'accordéon dans la pièce à côté? Monsieur Mitterrand n'a pas le monopole du camembert, vous non plus. Je vais chanter. Voyage au centre de la terre, direction Normandie, là où les vaches comme les taux ondulaient. Dieu que c'est drôle, peut-être bien que non, peut-être bien que oui, mais ça fait rire dans nos vertes prairies. Ah là là, dans l'ondulé, que c'est bon! Le camembert, le lundi, le mardi, le mercredi, camembert, le jeudi, le vendredi, le samedi, c'est le dimanche, camembert. À one, à two, à one, two, three, je rêve d'un pays où nous serions tous frères, mangeant du camembert que tout le monde adore, de l'émir au berbère, oui, car l'émir adore. Ah là là, l'émir adore, très vilain geste, c'est un carton rouge. C'est bien fait. D'ailleurs, le président Bokassa est formel. Il ne faut pas manger le camembert avec les doigts, il faut manger les doigts à part. Le camembert, le lundi, le mardi, le mercredi, camembert, le jeudi, le vendredi, le samedi, camembert. Le dimanche, on a de la chance, on est seul pour se cuisiner une petite spécialité camembert. Le lundi, camembert, pousse-toi, c'est à moi. Le mardi, camembert. Le mercredi, camembert. Le jeudi, qu'il y a une vache ici.